Quimper. C'est Oli. O-L-I. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je m'appelle Yann Kefelek. Je vais vous raconter l'histoire de la fourmi et du croque-monsieur. Quelle histoire, les enfants, le soir où Léon mangea une fourmi. Il aurait avalé un cauchemar qu'il n'aurait pas crié plus fort. « Maman ! J'arrive ! Vite ! Maman !» Le temps d'enfiler un vague peignoir et la maman surgissait dans la cuisine, les cheveux pleins de mousse. Elle avait dû s'assoupir dans son bain. Elle cherchait ses mots. « Où tu as mal, mon chéri ? Où ? Tu t'es coupé le doigt ?» Rouge comme du sang, Léon tremblait devant son assiette de lieu noir aux tomates. J'ai mangé une, maman, j'ai mangé une. Tais-toi, dit alors une petite voix dans son ventre. Une petite voix de fourmi, ou d'ogre, une de ces voix débiles qui font pleurer les enfants. Tu as mangé une quoi? Qu'est-ce que tu as encore inventé pour ne pas manger? Chut, maman. J'ai mangé un secret. Bonne réponse, dit la petite voix. Un secret, demanda la maman. Quel secret as-tu donc mangé? Un secret en chocolat? Chut, j'ai dit. La cervelle en feu, Léon ne savait plus s'il avait avalé une fourmi ou un ogre. Il aurait préféré une fourmi. Non, un ogre. Non, une fourmi. Non, un ogre. Non, une. Mais vas-y, Léon, pleure un bon coup si tu as du chagrin. Les mamans ne comprennent rien. Pleurer? Un garçon ne pleure plus, voyons, à 5 ans et demi. Il ne salit plus ses draps, il ne met plus ses doigts dans son nez, ni dans ses oreilles. Il fait pipi debout comme son papa. Et quand il avale un ogre pas plus épais qu'une fourmi, crac, il le croque. Bien fait pour toi, vilain pas beau. T'es mort et tu partiras avec les toilettes. Ah, oh, tu me rends folle, Léon, gémissait la maman. Folle ! Ça doit être la lune des rameaux. Hier, tu n'as pas mangé ta pizza. Avant-hier, ta crêpe. La veille, tes spaghettis bolo. Non, mais tu t'es vu ? Gras comme un clou rouillé. Je suis pas un clou. Eh bien, prouve-le, mon trognon. Mange ! Oh non, pense Léon. Moi, pas manger. Moi, pas faim, pas soif, pas sommeil. Moi, triste à mourir. T'as mis le peignoir de papa, dit-il. Et ses larmes lui bouchent la vue. Il est juste 2 fois trop grand, répond la maman. J'ai l'air d'une vieille chauve-souris. Il revient quand à la maison, mon papa? La maman eut l'air d'avoir froid soudain. Elle se drapa dans l'immense peignoir rouge et déclara « Demain, mon chéri. Sûr qu'il revient demain. » Le narval est un sacré sous-marin d'attaque, tu sais. Et ton papa, un sacré marin. Une sacrée oreille d'or, bougana Léon. Je sais, d'or, une oreille d'or. Depuis le temps que maman répétait ça. Ton papa est l'oreille du sous-marin d'attaque narval, c'est son métier. Il entend les sifflements des loups ennemis sous la mer, et lui seul peut les entendre et dire au capitaine « Des loups hostiles s'approchent, attention !» Mais ça ne veut pas dire que son oreille est en or, hélas, comme les 2 molaires de ta grand-mère, et qu'il va nous payer un aspirateur sans sac ou des vacances à la neige. Leur mission en Chine est terminée, poursuivait la maman. Et demain, tu pourras glisser ton secret toi-même dans l'oreille de ton papa. Déjà, finis-moi ton poisson et au lit. Oust ! C'est ça, pense Léon, demain. J'en ai marre qu'elle me dise demain. Demain, avec elle, c'est jamais. Sa maman sortit. Léon repoussa le lion noir aux tomates avec sa fourchette. Et le sous-marin d'attaque Narval se détacha sur fond bleu dans l'assiette. Son fier canon pointé vers lui. Il est si beau, pense Léon. C'est son papa qui lui a donné l'assiette bleue avant de partir en mer de Chine. Il a même dit « 8 ans de malheur si tu la casses, fiston, pire qu'un miroir. » Il voulut se lever, mais la petite voix lui dit alors « J'ai faim. Mange. » Et saisissant sa fourchette, Léon se mit à manger, manger, manger en pleurant sur le fier sous-marin d'attaque de son papa. Quand il remonta dans sa chambre en haut de la maison, il fut comme ébloui par un tour de magie. La lune des rameaux était collée tout entière au Vélux. Une grosse lune, sans bras ni jambes, sans oreilles, et pas un cheveu sur la tête. Elle était si près qu'on aurait pu faire coucou aux habitants, mais ils se cachaient dans les trous. À qui pouvait-elle bien sourire comme ça ? À lui ? Est-ce qu'elle souriait l'instant d'avant ? Est-ce qu'elle avait des mollets en or, comme sa vieille mémé, dans sa grosse bouche ? Il se dépêcha d'actionner le store en prononçant les mots « Ardoise magique !» Et la lune s'effaça. Dès qu'il se fut couché, tout habillé, sa maman vint lui faire un bisou. Un seul bisou entre les sourcils. Et encore, d'une petite bouche pincée. C'était par 10, les bisous d'habitude, par 1000. Mais ce soir, elle était fâchée. Tu m'as flanqué une de ces trouilles quand tu hurlais tout à l'heure. J'ai cru qu'on t'avait planté ta fourchette dans l'œil. Encore un bisou, maman. J'aimerais tellement que tu manges, mon petit garçon. Je m'inquiète, moi. Je mangerai quand demain ce sera aujourd'hui, pense Léon. Tu ne veux pas me dire ton secret ? Mon secret, c'est mon papa, pense Léon. C'est demain. Non, dit-il, chut ! Les secrets ont des oreilles comme les sous-marins. Et ta maman, elle n'a pas des oreilles, peut-être ? Elle ne peut pas tout entendre, une maman chérie ? Dis-moi ton secret si tu veux un bisou. Demain, soupira Léon, et le cœur lourd, il se tourna vers le mur. Sa maman lui massa la tempe avec le pouce, et il s'endormit dans la seconde. Se réveilla. En tout cas, il rêva qu'il se réveillait. Pas un bruit dans la maison. Ah si, la petite voix bizarre qui chuchotait. « Descends dans le jardin, Léon. Maintenant. Je t'attends. Il y a là. » Ses pieds nus l'amenèrent au muret qui dominait la mer dans la baie. Quelque chose de vivant rampait sur le muret. C'était sans bras ni jambes, sans oreilles, sans cheveux, couleur de lune. « T'es qui ?» lui demanda Léon. « Un cauchemar !» dit-le quelque chose de rampant. « Un monstre ? Pas un monstre, espèce de pomme ! Un cauchemar super cool !» Léon s'assit à côté du cauchemar face à la baie. Même pas peur. « Super cool, ça m'étonnerait, dit-il. C'est vilain comme la gale, les cauchemars. Et ça sent mauvais. Il me déteste. » À ses pieds, la mer eut l'air de battre des paupières et de remuer les oreilles. Eh bien, moi, comme tu vois, je suis un gentil méchant. Méchant quand la lune est noire, et gentil quand elle... Tu sais, quand elle vient ronronner comme un petit chat sur ton oreiller. Pas sur mon oreiller, menteur, dit Léon. Sur mon Vélux. C'est Kif-Kif Bourricot pour moi. C'est Kif-Kif Bourricot, ton nom ? Demanda Léon. Appelle-moi Super Cool, ça ira très bien. « Ça ira, » dit la mer à Léon. « Ça ira, » dit la lune. « Ça ira, ça ira, ça ira. » Dis donc, super cool, C'est pas toi que j'ai mangé hier soir, dans mon assiette narval. Je m'étais déguisé en croque-monsieur, oui. Mais tu m'as pris pour une fourmi, espèce de pomme, et tu as pété les plombs. Oh, ça va, dit Léon, vexé. Je ne m'appelle pas espèce de pomme. Tu préfères espèce de clou rouillé, dit Supercool. Ou squelette pourri. La mère se mit à grincer des dents. La lune à ricaner avec une face de squelette. Et Léon, terrifié, s'écria « Ah ben non, alors ! Non, surtout pas, Burke ! Tu peux m'appeler pomme, ou banane, tant que tu veux, ou même citron vert. N'oublie pas que tu es gentil, super cool. Un sucre, un amour, dit le cauchemar. Il avait beau être minuscule, ce cauchemar, il prenait bien de la place. Comme si Léon avait eu quelqu'un à côté de lui. Comme si la nuit était quelqu'un qui pouvait s'asseoir sur un muret en compagnie d'un enfant et regarder la mer avec lui. Et pourquoi tu m'as réveillé ? Mais pour te rendre l'appétit, patate douce. Réfléchis. C'est moi qui t'ai volé ta faim, je ne sais plus quand. Je tenais à m'excuser hier soir avec un bon dîner jambon, fromage et pain grillé, mais Léon éclata de rire. La mer aussi. Exhibant ses larges dents couleur de lune. J'adore Super Cool. En fait, tu es en train de me dire que j'ai mangé un cauchemar dans mon assiette bleue ? Et même ton premier cauchemar, oui. D'ailleurs, tu dois faire un vœu, je l'exaucerai. J'aimerais voir mon papa, maintenant, dit Léon. Soit, à condition que tu ne confondes plus jamais les fourmis et les croque-monsieur. Sinon, tant pis pour toi. Tu seras changé en chasse d'eau chez les monstres pendant 100 ans. Je veux voir mon papa. Soit, redit Supercool, tourné vers la baie. Et soudain, plus grand qu'une baleine illuminée le soir de Noël, le sous-marin Narval se déploya sous la lune. Son fier canon pointé vers Léon. Youpi, hurla Léon. Youpi, c'est lui. Mais comment te remercier ? Tue-moi, dit le cauchemar. À ces mots, le jour fut. Et Léon se réveilla pour de vrai dans son lit. Une main douce lui tirait l'oreille. Un souffle le parfumait. Un sourire lui souriait. Papa, dit-il, fou d'émotion. Oh, mon papa, moi. Je savais bien, moi, qu'aujourd'hui, c'était demain. J'ai faim. Et voilà. L'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Non, une autre. Oui. Oli, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.